Trois mois après, à Auteuil, salon de campagne, portes ouvertes sur le jardin. Bonjour Nadine. Bonjour madame. Où est Marguerite? Madame est au jardin, avec mademoiselle Nichette et monsieur Gustave qui viennent de déjeuner et qui passent la journée ici. Bon, alors je vais les rejoindre. Prudence. Je vais vous parler. Il y a 15 jours, vous êtes parti d'ici dans la voiture de Marguerite. C'est vrai. Depuis ce temps, nous n'avons revu ni la voiture, ni les chevaux. Il y a 8 jours, en nous quittant, vous avez paru craindre d'avoir froid, et Marguerite vous a prêté un cachemire que vous n'avez pas rapporté. Enfin, hier, elle vous a remis des bracelets et des diamants pour les faire remonter, disait-elle. Où sont les chevaux, la voiture, le cachemire et les diamants? Vous voulez que je sois franche? Je vous en supplie. Les chevaux sont rendus au marchand qui les reprend pour moitié. Le cachemire? Vendu. Les diamants? Engagé de ce matin, je rapportais reconnaissance. Et pourquoi ne m'avoir pas tout dit? Marguerite ne le voulait pas. Et pourquoi ces ventes et ces engagements? Mais pour payer! Vous croyez, mon cher, qu'il suffit de s'aimer et d'aller vivre hors de Paris d'une vie pastorale et éthérée? Mais pas du tout. À côté de la vie poétique, il y a la vie réelle. Le duc que je viens de voir. Car je voulais, s'il était possible, éviter tant de sacrifices. Le duc ne veut plus rien donner à Marguerite, à moins qu'elle ne vous quitte. Et Dieu sait qu'elle n'en a pas envie. Bonne Marguerite. Oui, oui, bonne Marguerite. Trop bonne Marguerite. Car qui sait comment tout cela finira? Sans compter que pour payer ce qu'elle reste de voir, elle veut abandonner tout ce qu'elle possède encore. J'ai dans ma poche un projet de vente que m'a remis son homme d'affaires. Combien faudrait-il? 50 000 francs au moins. Bon. Demandez 15 jours au créancier, dans 15 jours je paierai tout. Vous allez emprunter? Oui. Mais les papiers que je rapporte. Eh bien, quand je serai parti, vous les lui remettrez comme si je ne vous avais rien dit. Chut! Elle ignore tout de notre conversation. Comment Prudence est là? Oui, et gronde là. Pourquoi? Je la prie de passer chez moi pour m'apporter des lettres. S'il y en a, la première chose qu'elle fait, c'est de l'oublier. Oh. Bien que maintenant, il faut que je te quitte pour une heure ou deux. Écoute, depuis un mois, je n'ai pas écrit à mon père. Personne ne sait où je suis, pas même mon domestique. Il fait beau, Nichette et Gustave sont là pour te tenir compagnie. Je saute dans une voiture, je passe chez moi et je reviens. Va, mon ami, va. Mais si tu n'as pas écrit à ton père, ce n'est pas ma faute. À cette fois, je te répétais de lui écrire. Mmh. Va, et reviens-moi vite. Dans une heure, je suis de retour. Alors, Prudence, tout est arrangé? Oui. Les papiers, vous les avez? Les voici. L'homme d'affaires viendra tantôt pour s'entendre avec moi. Ah, viens. Moi, je vais déjeuner car je meurs de... Viens, Michel, viens, entrez, Gustave. Vous voyez? Voilà comme nous vivons depuis 3 mois. Tu es heureuse? Oh, si je le suis. Je te disais bien, Marguerite, que le bonheur véritable est dans le repos et les habitudes du cœur. Que de fois, Gustave et moi, nous nous sommes dit, mais quand donc Marguerite aimera-t-elle quelqu'un et mènera-t-elle une existence plus tranquille? Eh bien, votre souhait s'est accompli, j'aime et je suis heureuse. Mais c'est votre bonheur à tous les deux et votre amour qui m'ont fait envie. Le fait est que nous sommes heureux, nous, n'est-ce pas, Nichette? Oh, je crois bien, ça ne coûte pas cher. Tu es une grande dame, toi, et tu ne viens jamais nous voir. Sans cela, tu voudrais vivre tout à fait comme nous vivons. Nous avons l'air d'un roman allemand, d'une idylle de Goethe avec de la musique de Schubert. Oh, je pensais que de plaisanter parce que Marguerite est là. Quand nous sommes seuls, tu ne plaisantes pas. Tu es doux comme un mouton, tu es tendre comme un tourtereau. Tu ne sais pas qu'il voulait me faire déménager? Non, pourquoi? Il trouve notre existence trop simple. Non, je trouve seulement notre logement trop haut. Vous êtes charmants, tous les deux. Sous prétexte qu'il a 6 000 livres de rente, il ne veut plus que je travaille. Un de ces jours, il voudra m'acheter une voiture. Ça viendra peut-être. Nous avons le temps. Il faut d'abord que ton oncle me regarde d'une autre façon et nous fasse toi son héritier et moi sa nièce. Il commence à revenir sur ton compte. Mais il ne te connaît donc pas? Il se fout de toi, s'il te connaissait. Non, monsieur, son oncle n'a jamais voulu me voir. Il est encore de la race des oncles qui croient que les grisettes sont faites pour ruiner les neveux. Il voudrait lui faire épouser une femme du monde. Est-ce que je ne suis pas du monde, moi? Il s'humanisera. Depuis que je suis avocat, du reste, il a bien changé. Ah oui, j'oubliais de te dire, Gustave est avocat! Mais alors, si Gustave est avocat, nous irons bientôt à la noce. Si je me marie... Comment si vous vous mariez, monsieur? Mais je l'espère bien que vous vous marierez. Et avec moi encore. À quand, alors? À bientôt. Tu es bien heureuse. Est-ce que tu ne finiras pas comme nous? Oh, que veux-tu que j'épouse? Armand? Armand? Non. Armand a le droit de m'aimer, mais non de m'épouser. Il y a des choses, vois-tu, Nichette, qu'une femme n'efface pas de sa vie et qu'elle ne doit pas donner à son mari le droit de lui reprocher. Vous êtes une honnête fille, Marguerite. Non, mais je pense comme un honnête homme, c'est toujours ça. Je suis heureuse d'un bonheur que je n'aurais pas osé souhaiter. J'en remercie Dieu et je ne veux pas tenter la providence. Qui m'eût dit cependant qu'un jour je vivrais tout entière dans l'amour d'un homme, que je passerais des heures assise à côté de lui, à lire, à travailler, à l'entendre. Par moments, j'oublie ce que j'ai été. Et quand vêtue d'une robe blanche, je monte avec Armand dans le bateau que nous laissons aller à la dérive, nul ne se doute, pas même moi, que cette ombre blanche est Marguerite Gautier. Madame, il y a là un monsieur qui demande à vous parler. Ah oui, oui, c'est l'homme d'affaires que j'attends sans doute. Voulez-vous aller au jardin tous les deux? Oh, je vous rejoindrai très vite. Tu peux faire entrer, Nanine? Oui.